بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في صدد ترجمة رسالة الثلاثة للأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع الشرح للشيخ الفوزان رحمه الله. Donc, nous sommes toujours dans la tradition du livre Les Profondements, les principes fondamentaux de Cheikh Mohammed ibn Dawahab, avec l'explication de Cheikh Fozan. وكنا قد توقفنا عند قوله فقوله يجب يدل على أن الأمر ليس من باب الاستحباب. Donc, on s'est arrêté à la parole suivante. Donc, la parole de Cheikh Mohammed al-Wahhab, يجب, donc il est obligatoire. Donc, Cheikh Fozan dit: cela montre que cette chose-là, ce n'est pas une chose qui est recommandée. من جاء فعلها فعل ومن جاء ترك بل الأمر من باب الإلزام من الله سبحانه وتعالى. Donc ce genre de choses-là, ces choses-là qu'on a vues, on ne sait pas, celui qui veut, il le fait, et celui qui veut, il le délaisse. D'accord ? Mais au contraire, cette chose-là est obligatoire, et cet ordre provient d'Allah directement. ليس هذا الإجاب من قبل الشيء وإنما هو من قبل الله عز وجل فيما أنزل في الكتاب والسنة من إلزام العباد بهذه المسائل. Donc, et Cheikh Fozan Hafidhullah précise que cet ordre-là, donc le Cheikh nous disait Yajibou, donc il est obligatoire, il dit que cet ordre-là ne provenait pas de Cheikh directement, mais plutôt il provenait d'Allah directement, lorsqu'il a fait descendre comme adoration pour ses serviteurs, tout ce qu'il a ordonné comme adoration pour ses serviteurs et pour ses, donc par rapport à ces quatre points-là et ces trois points qu'on a vus dans son livre. قوله يجب على كل مسلم ومسلمة أي يجب على كل ذكر وأنثى من المسلمين سواء كانوا أحرارا أو عبيدا أو ذكورا أو إناثا. Donc cette parole, donc il est obligatoire pour tout musulman ou toute musulmane. Donc c'est obligatoire pour tout, pour les deux sexes. Donc pour le masculin, pour le sexe féminin parmi les musulmans, qu'ils soient libres, qu'ils soient esclaves, qu'ils soient donc du sexe masculin ou du sexe féminin. لأن المرأة تشارك الرجل في كثير من الواجبات إلا ما خصه الدليل بالرجال فإنه يختص بهم. Pourquoi? Parce que donc les femmes et les hommes sont au même niveau en ce qui concerne ce qui est obligatoire, sauf si un texte qui vient préciser que c'est propre aux hommes. Par exemple, dans ce cas-là, cette adoration, elle sera propre aux hommes. مثل وجوب صلاة الجماعة في المساجد وصلاة الجمعة ومثل زيارة القبور فإنها خاصة بالرجال ومثل الجهاد في سبيل الله فإنه خاص بالرجال. La Cheikh Hafidhullah donne des exemples d'adorations qui sont propres aux hommes, comme le fait de prier en groupe dans les mosquées, ça c'est propre aux hommes. Comme le fait d'assister à la prière du Jumu'ah, ça également c'est propre aux hommes. Et le fait de visiter les cimetières, ça aussi c'est propre aux hommes. Et enfin, dernier exemple, le fait de faire le djihad dans le sentier d'Allah, ça c'est une fonction réservée aux hommes. فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم. Donc s'il y a une preuve, il vient spécifier l'adoration qui est propre aux hommes, dans ce cas-là, cette adoration sera propre aux hommes. وإلا فإن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات وتجنب المحرمات وسائر التكاليف. Donc sinon, s'il n'y a pas de présence de texte qui vient spécifier une adoration qui est propre à l'homme ou à la femme, dans ce cas-là, l'adoration est valable pour les deux. Elle est obligatoire pour les deux, que ce soit une chose obligatoire ou que ce soit le fait de s'écarter d'un interdit, et pour toutes les adorations en général. ومن ذلك أن تعلم العلم واجب على الرجال والنساء لأنه لا يمكن عبادة الله جل وعلا التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عبادة ربنا الذي نعرف به عبادة ربنا. Et parmi ces choses donc, qui sont propres aux hommes et aux femmes, qui sont communes aux hommes et aux femmes, le fait d'apprendre la science qui est obligatoire donc pour les hommes et les femmes, car il est impossible d'adorer Allah, d'adorer Allah, qui est la fonction pour laquelle nous avons été créés, sans apprendre la science qui nous permet de connaître, d'apprendre aussi comment l'adorer, comment adorer notre Seigneur. فهذا واجب على الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم لا سيما أمور العقيدة. Donc, il est obligatoire pour les hommes et les femmes d'apprendre les choses qui sont relatives à leur religion. Il est obligatoire pour les hommes et les femmes d'apprendre les choses qui sont relatives à leur religion, et en particulier les choses qui ont rapport avec la croyance. قوله ثلاث مسائل. Donc la parole de Cheikh Mohamed Abdel Wahab, rahimahullah. Donc trois points, trois questions. التعلم هنا معناه التلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك. Donc qu'est-ce que ça signifie apprendre, hein? La signification d'apprendre, l'apprentissage, c'est le fait de prendre sa science auprès des gens de science, justement, auprès des savants, et de la mémoriser, de la comprendre et de bien en saisir le sens. C'est ça l'apprentissage. C'est d'apprendre la science auprès des savants, l'apprendre, la mémoriser, la comprendre et saisir et en saisir le sens comme il se doit. ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة كما يسمونها هذا ليس تعلما ليس هذا ليس تعلما. Donc apprendre la science, c'est pas comme ils disent le fait de lire les livres tout seul comme ça de façon libre, hein, le simple fait de lire tout simplement, ça c'est pas, on peut pas appeler ça de l'apprentissage. إنما التعلم هو التلقي عن العلم مع حفظ ذلك وفهمه وإدراكه تماما هذا هو التعلم الصحيح. Donc il dit, Cheikh Fouzan, c'est quoi la définition de l'apprentissage? Donc c'est pas le fait de simplement prendre un livre et de lire, hein, c'est pas ça, c'est pas suffisant. C'est donc le prendre cette science auprès des gens de science en mémorisant ce que vous avez appris, en le comprenant aussi comme il se doit et en saisissant le sens de la façon la plus parfaite. C'est l'apprentissage authentique, le véritable apprentissage. أما مجرد القراءة والمطالعة فإنها لا تكفي في التعلم وإن كانت مطلوبة. Hein, le fait de prendre les livres, simplement le fait de les lire, ça suffit pas, même si c'est recommandé. On ne dit pas qu'il ne faut pas lire des livres, mais il ne faut pas croire que c'est suffisant. Le fait de lire des livres, ça y est, on n'a plus besoin de savoir, on n'a plus besoin d'autres choses, etc. On n'a pas besoin d'apprendre, etc. D'accord? Mais c'est de recommandé, mais ce n'est pas suffisant. Se contenter des livres, ce n'est pas suffisant. وفيها فائدة لكنها لا تكفي ولا يكفي الاقتصار عليها. D'accord, même si c'est bénéfique, hein, on dit pas qu'il ne faut pas lire, hein, bien sûr, mais il ne faut pas se contenter de ce qu'il y a dans les livres. Il faut revenir aux savants pour bien comprendre ce qui est justement ce qui est écrit dans les livres, même si ces livres sont bénéfiques. Donc ce qui veut dire, c'est posé dans le résumé, c'est qu'il ne faut pas se contenter de la lecture pure et simple des livres pour prétendre avoir appris. Voilà. ولا يجوز التتلمذ على الكتب كما هو الواقع في هذا الوقت. Comme il dit aussi, si on faisait, il n'est pas autorisé de prendre comme si c'est de prendre son livre comme si c'était son cheikh, en fait. Comme si le livre était son cheikh, comme s'il avait devant lui son cheikh. Et c'est malheureusement le cas aujourd'hui dans beaucoup de contrées. لأن التتلمذ على الكتب خطير جدا يحصل منه مفاسد وتعالم أضر من الجهل. Il dit pourquoi? Parce que le fait de se contenter des livres sans en revenir aux savants, parce qu'avec, on peut avoir une mauvaise compréhension, on peut ne pas avoir tous les outils pour comprendre ce que Cheikh a voulu dire dans ce livre, par exemple, on peut mal interpréter. Hein, comme quoi, il ne faut pas se contenter de lire le livre. Il dit pourquoi? Parce que le fait de se contenter de ça, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux et il peut en découler beaucoup d'effets nuisibles. Et le fait de se prendre, le fait de se prendre pour un savant, justement, en ayant juste étudié les livres, c'est plus grave, c'est plus dangereux que l'ignorance. C'est plus dangereux que l'ignorance. لأن الجاهل يعرف أنه جاهل ويقف عند حده. Pourquoi? Parce que celui qui est ignorant, il sait qu'il est ignorant et il connaît ses limites. Il s'arrête là où il faut, il connaît ses propres limites, ignorant. لكن المتعالم. Par contre, celui qui se prend pour un savant, justement, se contente en délire. لكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويتكلم ويقول على الله بلا علم فالمسألة خطيرة جدا. Donc celui qui se contente des livres uniquement et qui pense être un savant parce qu'il a juste lu les livres, cette personne, elle ne se rend pas compte qu'elle peut rendre halal ce qu'Allah a interdit ou rendre interdit ce qu'Allah a rendu autorisé. Et il peut parler aussi d'Allah sans science. Donc faites très très attention. Cela est très extrêmement dangereux. فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة إنما الكتب وسائل. Cheikh Fazal Hamadullah dit donc la science, elle ne se prend pas directement des livres. mais les livres ce sont des moyens, ce ne sont pas des fins en soi, ce sont des moyens. أما حقيقة العلم فإنها تؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل والكتب إنما هي وسائل لطلب العلم. Donc il dit comment la science, comment la science, la science véritable, la science authentique, elle se prend des savants, génération après génération. La science, elle se prend des savants, génération après génération. Et ces livres-là, ce ne sont que des moyens pour les étudiants en science. D'accord ? Ce ne sont que des moyens pour les étudiants en science. Ce n'est pas une fin en soi. Comme dit le Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdelwahab, rahimahullah, الإيمان بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الشيخ فوزان a un petit titre. Il a dit donc la croyance dans le fait qu'Allah est celui qui octroie la subsistance et qui nous la donne et qui nous a pas créé en vain sans but. Donc, Cheikh Mohammed al-Wahhab dit donc la première des choses à connaître, obligatoire de connaître, le fait qu'Allah est celui qui nous a créés et celui qui nous octroie notre subsistance et le fait qu'il ne nous a pas créés en vain, sans but. Qawluhu al-Ula, anna Allah khalaqana. Donc, la première chose, hein, le fait qu'Allah nous a créés. Cheikh Fawzan dit Ey, awjadana min al-adam. Awjadana min al-adam. Fa nahnu min qabli an yakhluqana lam nakun shay'a. كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقال سبحانه وتعالى وقال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا كان الإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء والذي أوجده وخلقه هو الله عز وجل قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Donc, le fait de, donc quand il dit Allah nous a créé, c'est le fait de dire que nous, Allah nous a créé à partir de rien, à partir du néant. Donc, avant que qu'Allah nous crée, nous n'étions rien du tout. Comme dans la parole d'Allah, dans le sens du verset, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était pas une chose mentionnable. Et Allah dit aussi dans un autre verset, Allah lui dit, ainsi sera-t-il, ton Seigneur a dit, ceci, n'est facile et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Donc avant que Allah nous crée, nous n'étions rien du tout, nous étions dans le néant. Et celui qui nous a fait naître à partir de ce néant et qui nous a créé, c'est Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le sens du verset, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? قَوْلُهُ وَرَزَقَنَا لما كنا نحتاج إلى الرزق إلى الطعام والشراب والملابس والمساكن والمراكب والمصالح علم سبحانه وتعالى حاجتنا فسخر لنا ما في السماوات والأرض كله لمصالحنا من أجل بقائنا على قيد الحياة. Donc dans la parole de Shmuel Wahab, celui il nous a octroyé la subsistance, ce que je dis, lorsque nous, ça a été vrai que l'être humain a besoin de pour vivre, pour rester, pour subsister et pour rester en vie, il a besoin forcément d'une subsistance, de nourriture, de boissons, de vêtements, d'habitation, de moyens de transport et d'autres choses bénéfiques comme celle-là. Donc Allah a su que nous allions avoir besoin de ça. Il a mis donc à notre disposition ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Ce qu'il y a dans les cieux et la terre, parce qu'Allah a su ce dont nous avions besoin pour pouvoir rester en vie sur cette terre. ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. Donc, et aussi pourquoi il a mis toutes ces choses à disposition, hein, c'est pour que nous prenions aide, hein, nous aidions de tous ces moyens mis à disposition, hein, pour que nous mettions en application la raison pour laquelle nous avons été créés, à savoir le fait d'adorer Allah seul sans rien lui donner, sans aucun associé. قوله ولم يتركنا هملا. Donc la parole de Cheikh Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, il nous a pas délaissé, donc Allah nous a pas délaissé sans but, sans obligation à faire. الهمل هو الشيء المهمل المتروك الذي لا يعبأ به. فالله خلقنا ورزقنا لحكمة ما خلقنا عبثا ولا سدى. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Donc le hamal, le fait d'avoir été délaissé, c'est quoi le délaissement? C'est le fait de délaisser une chose, de ne pas en tenir compte, de ne pas lui donner d'importance. Sachez qu'Allah Azza wa Jalla nous a créé et nous a donné cette existence pour une sagesse. Il ne nous a pas créé en vain, sans raison, sans but. Il ne nous a pas créé sans raison, sans but. Allah dit dans le sens du verset, pensez-vous que nous nous avons créé sans obligation à faire, sans but, sans raison, et que vous n'allez pas revenir vers nous. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ayahsabu l'insanu an yutraka suda, alam yakun nutfatan min mani yumna, thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Ou Allah dit dans le sens du verset aussi, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créée et formée harmonieusement? Wa qala ta'ala, wa ma khalaqna as-samaa'a wal ard وما بينهما باطنا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Et Allah ici dit aussi dans le sens du verset, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont vécu. Malheur à ceux qui ont vécu pour le feu qui les attend. Allah, إنما خلقنا وخلق لنا هذه الأرزاق والإمكانيات لحكمة عظيمة وغاية جليلة. Donc Allah Azza wa Jal nous a créé et a créé tout ce qu'il nous a mis à disposition, hein, parmi la subsistance et parmi toutes les choses qui sont à notre disposition pour une grande sagesse, une noble sagesse et un noble but. وَهِيَا أَنَّعْبُدَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَهِيَا, c'est quoi cette noble sagesse? أَنَّعْبُدَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc c'est pour l'adorer. Allah nous a créé, nous a mis toutes ces choses à disposition pour l'adorer. ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت وتذهب لأنها ليست مكلفة ولا مأمورة ولا منهية. Donc nous ne sommes pas comme les animaux. Allah nous a pas créé au même statut. Nous n'avons pas le même statut que les animaux. Qui ont été créés justement ces animaux pour être au service des gens. Pour être au service des hommes. Parce que ces bêtes là, hein, nous ne sommes pas des animaux. Pourquoi? Parce qu'elles meurent, elles vivent, etc. Et elles ne sont pas concernées par les adorations. Elles ne sont pas concernées par les adorations. Et elles ne sont ni obligées de faire certaines choses, ni interdites. Hein, la différence de nous, les êtres humains. Donc, إنما خلقنا لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc, nous ne sommes pas comme les animaux. Allah nous a créés pour l'adorer, lui vouer un culte exclusif. Allah dit dans le sens du verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, je ne cherche pas d'une subsistance, ni qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. وَلَمْ يَخْلُقْنَا لِهَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِهَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقَطْ نَعِيشُ فِيهَا نَمْ نَسْرَحْ وَنَمَعْ وَنَأْكُلْ وَنَسْرُحْ وَنَتَوَسَّعْ فِيهَا وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٍ. Donc Allah ne nous a pas créé dans ce but-là uniquement, à savoir le fait de vivre dans ce bas monde, le fait de rechercher tous les moyens des jouissances, le fait de manger pour manger, pour boire, pour accumuler les richesses, et sans qu'il n'y ait rien par la suite. وَإِنَّمَا الْحَيَاةُ مَزْرَعَةٌ وَسُوقٌ لِلدَّارِ الْآخِرَةِ نَتَزَوَّدُ فِيهَا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ثُمَّ نَمُوتُ وننتقي منها ثم نبعث ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. On n'a pas été créé seulement pour manger, pour boire, etc. Mais on a été créé pour l'adoration d'Allah. Donc ce bas monde, c'est quoi? C'est un champ. C'est comme un champ dans lequel vous semez. C'est un champ dans lequel vous semez. C'est comme un marché pour l'au-delà. C'est comme un marché pour l'au-delà dans lequel vous prenez vos provisions parmi les bonnes œuvres. Qui sont les bonnes œuvres? Hein, ce marché, c'est comme un marché dans lequel il y a nos provisions, et ces provisions, ce sont les bonnes œuvres. Comme Manamut, donc nous allons tous mourir, et on sera ressuscité. On sera ressuscité et on aura des comptes à rendre. Et on aura des comptes à rendre et on sera compensé en fonction de nos actions. Hein, tel est le but de la création des djinns et des humains, à savoir le fait d'adorer Allah seul. والدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البحث والنشور والجزاء والحساب. Et la preuve de cela, ce sont de nombreux versets qui nous indiquent que nous allons être ressuscités, que nous allons être ressuscités, donc, et que nous allons être récompensés et rétribués en fonction de nos actions. والعقل يدل على هذا فإنه لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق العجيب وأن يسخر هذا القوم لبني آدم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجة. Il dit même la raison, elle admet cela, elle montre, elle indique cela, car il ne convient pas, il ne sait pas la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de créer toute cette création extraordinaire. De créer toute cette création extraordinaire et de lui mettre à disposition tout cet univers, de mettre à disposition des fils d'Adam tout cet univers, et il les délaisse comme ça et ils vont mourir et ils n'ont pas de compte à rendre. Hada abas, c'est insensé, ça ne sait pas, ça ne convient pas à Allah. Hada abas, فلا بد أن يظهر أن تظهر نتائج هذه الأعمال في الدار الآخرة. Donc il est obligatoire qu'on voit les résultats de nos actions dans l'au-delà. Il est obligatoire que nous voyons les résultats de nos actions dans l'au-delà. ولهذا قد يكون من الناس من يفني عمره في عبادة الله وفي طاعته. Le chef Ozer a un exemple de la raison. Il dit, pour cette raison, il se peut qu'une personne passe sa vie entière dans l'adoration d'Allah et dans son obéissance. وهو في فقر وفي حاجة وقد يكون مظلوما مضغوطا عليه ومضيقا عليه. Et il se peut que cette personne-là, bien qu'elle pratique beaucoup d'adoration, qu'elle soit obéissante, elle vit dans une extrême pauvreté. Et il se peut qu'elle soit opprimée. Et il se peut qu'elle subisse des pressions. Et il se peut aussi que la vie, elle soit très dure pour elle. Voilà, il y a un chèque min jazai 'amalihi fi hadhihi ad-dunya. Et malgré tout ça, bien que le fait qu'il pratique beaucoup d'adoration, etc., et qu'il vit dans cette pauvreté, dans cette extrême difficulté, il n'aura aucun résultat. Il ne verra pas le fruit de ses adorations dans ce bas monde. Ça peut arriver hein, qu'une personne qui commet beaucoup d'adorations, etc., elle ne voit pas le fruit de ses adorations dans ce bas monde. À l'opposé, il peut bien exister, ça peut arriver, un mécréant, un athée. Hein, qui fait partie des pires créatures, qui se réjouit, qui passe son tapis à se réjouir dans ce bas monde, dans cette vie. Donc il jouit de beaucoup de plaisir dans cette vie. Et on lui donne, il reçoit tout ce qu'il veut. Et malgré ça, et avec tout ça, il fait ce qu'Allah a interdit. Il est injuste envers les gens, il fait preuve d'injustice et il est agressif envers eux. Et il prend les biens des gens sans raison, hein, avec de façon injuste. Il se peut même que cette personne tue des personnes sans raison valable. Et il se peut qu'il soit un dictateur, un tyran, etc. Et il meurt dans cet état-là. Mais asabahu shay'un min al-'uqubah. Et il n'aura rien à subir, il n'aura aucun mandat, aucun compte à rendre. C'est impossible. Donc, هل يليق بعدله سبحانه وتعالى وحكمته أن يترك هذا المطيع بدون جزاء وأن يترك هذا الكافر بدون مجازاة؟ هذا لا يليق بعدله سبحانه وتعالى. هذا لا يليق بعدله سبحانه وتعالى. Donc, est-ce qu'il convient à Allah subhanahu wa ta'ala, par sa justice, son immense justice et par son immense sagesse, de délaisser cet obéissant sans récompense et de délaisser ce kafir, ce mécréant, sans récompense aussi? Non. Ça ne convient pas à la justice et à la sagesse, d'Allah. ولذلك جعل دارا أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. C'est pour cette raison qu'Allah a créé donc l'au-delà, la demeure finale. Hein? Pourquoi? Pour que celui qui a été bienfaisant soit récompensé en raison de sa bienfaisance, et pour celui qui a mal fait, le malfaisant, soit châtié en raison de son mauvais comportement dans ce bas monde. Et c'est à ce moment-là, donc dans la demi-finale, dans le-delà, on verra les fruits de nos actions. فالدنيا دار عمل وأما الآخرة فهي دار جزاء إما الجنة وإما النار. Donc ce dunya, donc ce bas monde, c'est l'endroit pour faire les bonnes actions, pour faire les actions. Quant à l'au-delà, c'est la demeure de la récompense. C'est l'endroit pour la récompense, soit le paradis, soit l'enfer. ولم يتركنا هملا كما يظن الملاحدة والتهريون. قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Donc il y en a qui pensent que hein, Allah nous dit, Allah nous a pas délaissé vainement dans ce bas monde, hein, et beaucoup de gens parmi les mécréants, donc et ceux qui disent que c'est le temps qui donne fin à toute chose, hein, le fait que le temps passe, on ne vit pas éternellement, donc c'est le temps lui-même qui est la raison de la fin de toute chose, hein, Allah dit à leur sujet, et ils disent il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور. Et qu'est-ce qui tient ce genre de parole, hein, ce sont les mécréants, les athées, hein, qui ne croient pas, hein, à la résurrection et au fait qu'on va être ressuscité et qu'on va être qu'on devra donner des comptes. وقد أنكر الله عز وجل عليهم فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Et Allah a réfuté cette position, cette parole que les athées ont, que les mécréants ont. Il a dit dans le sens du verset, traiterons-nous les soumis à Allah, les muslimines, à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? وقال تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. Allah aussi dit, pour réfuter donc ces paroles là de personnes qui pensent que on sera pas ressuscité et qu'on n'aura pas de compte à rendre, il dit ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes actions dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فهذا لا يمكن ولا يكون أبدا. Donc Allah dit encore dans le sens du verset, traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, hein? Ou traiterons-nous les pieux, hein, comme les pervers? Donc ça, c'est impossible. Et ce sera jamais possible. رابعا ثم يقول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله بل أرسل إلينا رسولا. Donc il nous belle, donc au contraire Allah nous a envoyé un messager. لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان وعلان من الناس أرسل الله إلينا رسولا تبين لنا كيف نعبده لأن العبادة توقيفية لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه. Alors, lorsque, du fait que nous ne pouvons pas adorer Allah selon notre volonté, comme nous le voulons ou comme nous le sentons, ou dans le fait de suivre aveuglément une personne, pour cette raison, pour ne pas avoir à suivre aveuglément une personne, pour ne pas avoir à adorer Allah comme nous le souhaitons, comme chacun d'entre nous le souhaiterait, Allah nous a envoyé des messagers. Qui nous ont montré comment l'adorer. Il nous a envoyé des messagers pour nous montrer comment l'adorer. Car les adorations sont immuables. Elles sont immuables. Il ne faut pas les modifier. On ne peut pas les changer. Elles sont telles quelles depuis le début. Elles seront de la même façon. On devra les faire de la même façon du début à la fin. Sans ajouter ni enlever. Donc, on ne peut pas adorer Allah avec une chose qui n'a pas légiféré. On ne peut pas adorer une chose, on ne peut pas adorer Allah avec une chose qu'il n'a pas légiféré. Donc ces adorations, elles sont immuables. On ne peut pas les changer. Elles doivent être en conformité avec ce quoi sont venus, avec ce quoi sont venus les لمساجر عليه الصلاة والسلام. فالحكمة من إرسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم. Donc quelle est la sagesse de l'envoi des messagers? Mais justement, c'est de nous montrer comment adorer notre Seigneur. وينهونهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل. Et nous interdisent de commettre, d'être mécréant et de commettre du polythéisme avec Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la chose dont ils nous ont été envoyés pour nous montrer comment adorer Allah et pour nous mettre en garde et pour nous interdire le polythéisme et la mécréance au sujet d'Allah Azza wa Jal. هذه مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد. Voilà, telle est la mission. Telle est la mission du messager alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui commet un acte, il ne fait pas partie de notre religion, il se reverra rejeté. Cet acte se verra rejeté. Donc c'est très important. L'adoration, elle est immuable. On ne peut pas la changer. والبدع مردودة والخرافات مردودة والتقليد الأعمى مرفوض. لا تؤخذ العبادات إلا من الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc les adorations sont immuables, on ne peut pas les changer. Par contre, on rejette les innovations, tout comme on rejette les choses inventées, les choses insensées, tout comme on rejette le fait de suivre aveuglément des personnes. Donc les adorations, toutes leurs sources, la source de toutes les adorations sont à prendre dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Uniquement dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Qawluhu bal arsala ilayna rasoulan. Donc la parole du Cheikh Mohamed Al-Wahhab rahmatullah alayh. Donc au contraire, il nous a envoyé un messager. Le Cheikh Fawzan explique ses paroles en disant: huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khatimun nabiyyin arsalahu liyubayyina lana limadha khalaqna. Donc quand il dit rasoulan, Mohamed Al-Wahhab va se dire: il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier le sceau des prophètes. Allah nous l'a envoyé pour nous montrer comment adorer Allah. Allah nous l'a envoyé pour nous montrer comment adorer Allah. Wa yubayyinu lana kayfa na'budu Allah 'azza wa jalla wa yanhana 'an ash-shirki wal kufri wal ma'asi. Hadhihi muhimmatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a été envoyé pour quoi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Pour nous montrer comment adorer Allah et pour nous interdire de commettre donc du polythéisme, la mécréance, et nous mettre en garde aussi contre les péchés. Telle était la mission du prophète alayhi salatu wa sallam. وقد بلغ البلاغ المبين وأدى التمام ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام وبين ووضح وتركنا على حجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message de la meilleure des façons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a transmis le message de la meilleure des façons. Il a restitué le dépôt. Il a conseillé la communauté comme il se doit. Il nous a tout montré, tout éclairci. Et il nous a laissé sur une voie claire. De jour comme de nuit, ne s'en écarte qu'une personne vouée à ça, à la perdition. Voilà. كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et ça, c'est conforme à la parole d'Allah dans le sens du verset. Aujourd'hui, certes, j'ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et je n'aguais que l'islam comme religion pour vous. ثم يقول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله فمن أطاعه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. D'accord. Donc الشيخ محمد الوهاب dit donc celui qui obéit au messager entrera au paradis et celui qui lui désobéit ira en enfer. قوله من أطاعه أي فيما أمر به دخل الجنة. Donc lorsque محمد الوهاب dit رحمه الله celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Fawzan dit, ça veut dire donc dans ce qu'il a ordonné. Donc cette personne-là qui obéit au prophète alayhi wa sallam parce qu'il a ordonné, il entrera au paradis. Wa qawlu wa man 'asahu ay fima na'ahu dakhala an-nar. Donc la parole de Wahhab, quant à celui lui a désobéi, donc le prophète sallam, Cheikh Fawzan dit, c'est celui qui leur a désobéi dans ce que le prophète sallam a interdit. Ce qui leur a désobéi au prophète sallam dans ce qu'il leur a interdit. Cette personne-là, elle ira au feu. Le prophète sallam a interdit une chose, celui qui l'a fait, cette personne mérite le feu. Donc on retrouve cette parole-là, donc le fait que celui qui obéit au prophète entrera au paradis et celui qui le désobéit entrera au feu, on trouve l'équivalent dans le Coran, dans les versets du Coran, comme dans le sens du verset lorsque Allah dit, قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. Allah dit dans le sens du verset, donc celui qui obéit au prophète, il aura certes obéi à Allah. Celui qui obéit au prophète, il aura certes obéi à Allah. وقال تعالى وما أرسلنا من رسولا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Et Allah dit dans le sens du verset, nous n'avons pas envoyé un messager uniquement, nous avons un messager pour qu'il soit obéi, pour qu'il soit obéi, et ceci par la permission d'Allah. وقال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. Allah dit dans le sens du verset, si vous lui obéissez au prophète, vous serez bien guidé. وقال تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Allah dit dans le sens du verset, et obéissez au messager de sorte que vous atteindrez sa miséricorde, pour que vous obteniez sa miséricorde. فمن أطاعه اهتدى. Donc celui qui suit le prophète صلى الله عليه وسلم, il aura certes été bien guidé, il sera bien guidé. ودخل الجنة, et il entrera au paradis. ومن عصاه ضل ودخل النار. Quant à celui qui lui aura désobéi, il se sera égaré et ira, sa destination sera l'enfer. قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يبى. من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, vous irez, vous, tout le monde entrera au paradis sauf celui qui s'y refusera. Donc tout le monde ira au paradis sauf celui qui s'y refusera. Les compagnons qui étaient présents lui ont demandé, ils ont dit, ya Rasulallah, waman yaba. Et qui? Le prophète dit, qui s'y refusera? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit entrera au paradis. Waman asani faqad aba. Et celui qui m'aura désobéi, c'est celui qui sera, qui aura refusé. Et celui qui m'aura désobéi, c'est celui qui aura refusé. Faqawluhu sallallahu alayhi wa sallam, aba ay aba an yadkhala al-jannah. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, refusé d'entrer au paradis. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi jittu bihi illa dakhala an-nar faman ata'ahu dakhala al-janna wa man 'asahu dakhala an-nar wa hadha huwa al-fariq bayna al-mu'mini wa al-kafir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit aussi, il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend ce que je dis et qui n'y croit pas sans qu'il fasse partie des gens du feu. Il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend ce que je dis et qui n'y croit pas sans qu'il fasse partie des gens du feu. Donc, celui, le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam est la raison qui vous fera entrer au paradis, et le fait de lui désobéir, le fait de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam est la raison qui vous fera entrer au feu. Et elle est là, la différence entre le musulman et le mécréant. La différence, elle est là, entre le musulman et le mécréant. Le fait dans l'obéissance au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Donc Mohammed al-Wahhab dit, la preuve de ça c'est quoi? Donc c'est la parole d'Allah dans le sens du verset. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avons envoyé un messager à Pharaon. Pharaon a désobéi au messager, nous le saisîmes donc rudement. قوله والدليل أي على إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قوله تعالى إن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا ضامر المعظم نفسه لأنه عظيم سبحانه وتعالى. Donc quelle est la preuve, cher Fawzan, quand une signification est dit, et quelle est la preuve donc, dans le fait d'envoyer des prophètes? Donc la preuve, le verset qu'on vient de traduire, que je vais relire. Donc certes, nous avons envoyé des messagers pour être témoin contre vous, de même que nous avons envoyé un messager à Pharaon. Pharaon a désobéi au messager, nous le saisîmes donc rudement. Et Inna, lorsqu'il dit Inna, je connais cette parole, Inna c'est le pluriel, c'est nous en fait. Hein? Mais ça revient à Allah, ce qu'on appelle un nous de noblesse. Hein? Parce que je connais c'est une forme de rhétorique. C'est nous, mais ça correspond au nous de noblesse. C'est, quand il dit Inna, parfois c'est plusieurs personnes ou plusieurs choses. C'est il s'agit d'Allah comme ça. Inna, c'est Allah qui a envoyé. C'est un nous de noblesse, on appelle ça un nous de noblesse. Ça vient glorifier encore plus la personne qui parle, car Allah justement mérite cette glorification, cette extrême glorification. Arsalna, kadhalika, hada damir wa azama, wa ma'na arsalna, ba'athnahu, awhayna ilayhi. Donc arsalna, donc nous l'avons envoyé, en fait c'est Allah qui l'a envoyé, d'accord? Donc pareil, c'est toujours pareil, c'est le nous de noblesse, le nous de glorification. Et le sens de nous avons envoyé, c'est nous l'avons envoyé, donc envoyé aux gens, et aussi surtout nous lui avons révélé, nous lui avons fait une révélation. Ilaykum, donc à vous, il est envoyé à qui? À vous, ilaykum, ya ma'ashara al-thaqalayn, al-jinn wal-ins, khitabun li jami'i al-nas, li anna al-risala hadha al-rasul, 'amma li jami'i al-nas, illa an taquma as-sa'a. Illa an taquma as-sa'a. Donc il a été envoyé à nous. Donc Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit qui à nous? Donc vous, l'ensemble des deux mondes, le monde des djinns et des êtres humains. Donc c'est une allocution qui s'adresse à tous les êtres humains, sans exception. Car le message du prophète, elle est générale, elle est valable pour tout le monde, sans exception. Et ceci jusqu'à la fin des temps. Rasoulan, donc la parole Rasoulan, donc un messager, voit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans cette parole-là. Shahidan alaykum, dans ce verset. Shahidan alaykum. Donc témoin contre vous. Shahidan alaykum, dans le sens du verset. Ay, عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه بلغكم رسالة الله وأقام الحجة عليكم كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Donc envoyé, donc prophète Shahidan alaykum, donc comme témoin contre vous, auprès de qui, cher Fawzan répète, donc dit, l'explique, il dit, donc témoin contre nous, donc auprès d'Allah, dans le sens où le jour des comptes, hein, comme on pourra pas dire qu'il nous a pas, on n'a pas reçu le message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message, et il nous a établi la preuve, on n'aura aucune excuse. Hein, c'est pour ça qu'il dit Shahidan alaykum. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a envoyé ce prophète pour être témoin contre nous, dans le sens où on ne pourra pas dire qu'il ne nous a pas transmis le message, et on ne pourra pas dire qu'on n'a pas entendu, on n'a pas su. Hein? La preuve nous a été établie, on n'aura aucune excuse. Et Allah, il dit dans le sens du verset, pour justifier ça, il dit donc des messagers, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs, pour qu'il n'y ait plus justement de preuves pour les gens, hein, auprès d'Allah, après l'envoi des messagers, après le messager, hein, pour qu'il n'y ait plus de preuves pour les gens auprès d'Allah après le messager. Donc ce prophète est venu pour établir la preuve le jour des comptes. فلا أحد يوم القيامة يقول أنا لم أدري أني مخلوق للعبادة أنا لم أدري ماذا يجب علي. C'est pour cette raison que personne ne pourra dire le jour des comptes. Personne ne pourra dire le jour des comptes et il ne dira je ne savais pas pourquoi j'ai été créé, et je ne savais pas que j'ai été créé pour l'adoration d'Allah, et je ne savais pas ce qui était obligatoire pour moi. ولم أدري ماذا يحرم علي لا يمكن أن يقول هذا لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغتهم وهذه الأمة المحمدية تشهد عليهم. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Donc il pourra, cette personne-là ne pourra pas dire qu'elle ne pourra pas dire je ne savais pas ce qui était interdit pour moi. Elle ne pourra pas dire ça, car les prophètes nous ont été envoyés. On sait que les prophètes nous ont été envoyés. Et cette communauté de Mohammed, cette communauté d'Islam, elle sera témoins contre eux aussi, contre eux. Allah dit dans le sens du verset, et de la même façon, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, de gens justes, pour que vous soyez témoins contre les gens et pour que le prophète soit témoin contre vous. فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة أن رسلها بلغتها رسالة الله بما يجدونه من كتاب الله عز وجل لأن الله قص علينا نبأ الأمم السابقة والرسول ما قالوه لأممهم والرسول وما قالوه لأممهم. Donc cette communauté, notre communauté de Mohammed عليه الصلاة والسلام, elle sera témoin contre les communautés précédentes du jour des comptes. Hein? Et elle attestera que le message d'Allah leur a été parvenu. Hein? Et ceci, on peut le trouver dans le livre d'Allah. Car Allah nous a raconté beaucoup d'histoires des communautés précédentes. Et nous a rapporté aussi Allah dans son livre, Azzawajal, ce que les messagers ont dit à leur peuple. كل هذا عرفناه من كتاب الله عز وجل الذي لا يتم الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Hein, et toutes ces choses-là, hein, nous ont été rapportées dans le Coran. C'est comme ça que nous les avons su dans le livre qui ne dit que la vérité. Il est certes un livre, c'est certes une révélation d'Allah, le très juste, le digne de louange. فبإذن هذا القادم في أيام إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وشرف الله سعيد لا وقمنا على سمع قشن دم وشوف ثلاثة سامجا وأبو العشاء كل بيت وإلى يوم الأربعاء وشوف ترجمة الملخص الصحيح 45 دم أبو العشاء دم مخودي إن شاء الله بارك الله فيكم ولا حسن استماعكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم.